fabriquer votre pain. Inscription maintenant au 418-841-1042. Vous êtes les bienvenus à nos ateliers de français du lundi au jeudi et à notre café le mercredi. Le Café Le Cœur à lire, organisme d'alphabétisation, 177-71e rue Est à Charlebourg, 418-841-1042. Lecœuralire.com. En partenariat avec la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg. Et si vous étiez l'invité privilégié du Palais Montcalm lors du dévoilement de sa programmation 2017-2018 le 16 mai prochain? Ici Jessica Leb. Courez la chance de gagner une invitation pour deux personnes pour cette soirée exceptionnelle avec cocktail, bouchée, la prestation d'un artiste, plus un certificat cadeau de $25 du Palais Montcalm. Comment? En écoutant l'émission Première Loge entre 15h30 et 17h30 du 24 au 28 avril. Un finaliste par jour sera sélectionné pour participer au tirage final qui déterminera le gagnant le lundi 1er mai. Bonne chance! Dans le cadre de sa campagne de financement, le Centre Monseigneur Marcoux vous invite à participer à son tout premier cocktail bénéfice sous le thème de la cabane urbaine, le mercredi 26 avril de 18h à 20h. C'est sous la présidence d'honneur de M. Robert Desrosiers, directeur général de la Caisse des Jardins de Limoilou, qu'aura lieu ce cocktail bénéfice qui permettra de recueillir des fonds pour les activités du Centre. Les billets sont en vente sur le site web centremgrmarcoux.com ainsi qu'au secrétariat au coût de $125. Un reçu d'impôt de $75 sera fourni sur demande. Information 418-661-7766. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien, venue au Grain de sable, enfin de retour au Bercail, c'est Jean-Claude à l'animation, après avoir passé quelques semaines, soit un mois en Europe pour une tournée de mon film documentaire « Le bien vivre simplicitaire d'un café à l'autre » que vous pouvez louer, pas besoin de faire le tour d'Europe comme j'ai fait. Vous pouvez aller à la bibliothèque Gabriel Leroy et louer le film si vous voulez et faire vos commentaires, ça sera toujours apprécié. Donc, on a une émission vraiment, vraiment intéressante aujourd'hui. J'ai déjà au téléphone mon ami Habib Hamza Erdem, directeur général de l'Institut Kemal. En fait, il nous donnera plus de détails sur effectivement qu'est-ce que c'est au juste cet institut du kémalisme. Donc, on va vous parler de Turquie et des résultats du référendum qui a été gagné par le président, mais il n'est plus juste président. On donnera des détails à ce sujet de M. Recep Tayyip Erdogan, qui est maintenant vraiment le grand sultan en chef de la Turquie. Et on va en parler plus en détail avec Habib dans quelques secondes. Mais restez avec nous, parce qu'en deuxième demi-heure, je vous parle du Festival de films pour l'environnement, la 14e édition de ce festival, le seul festival francophone dédié à l'environnement à 100% au Québec et peut-être même au Canada. Donc, du 21 au 29 avril. Donc, depuis hier, c'était le lancement officiel par un ciné-souper qui servait finalement à financer l'édition 14e et préparer la 15e. Mais les premiers visionnements se font cet après-midi dans le cadre de cette journée, ce jour de la Terre. Alors, bonne fête à tout le monde. Depuis 1970, en tout cas ici au Québec, on fête le 22 avril comme le jour de la Terre. Alors, pensez à la Terre, faites quelque chose pour elle aujourd'hui, comme on ferait à l'honneur de l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime bien. Donc, aujourd'hui, c'est la Terre elle-même, avec un T majuscule, évidemment. Donc, si vous êtes dans le coin de Saint-Casimir, vous voulez vous rendre pendant cet après-midi, c'est possible d'aller à Saint-Casimir assister à une journée spéciale en compagnie, évidemment, des Amis de la Terre, mais en compagnie de Florence Léa Siri, Zéro gaspillage. Donc, c'est commencé, ça commence à l'heure actuelle. Vous avez le temps de vous y rendre pour le souper qui s'organise ce soir en l'honneur du jour de la Terre, avec des restants de frigo, avec des légumes moches. Donc, si vous voulez aller goûter une bonne soupe faite avec des restants de frigidaire et puis, ou des surplus de frigidaire, c'est déjà plus appétissant. Alors, allez-y, il y a une belle soirée de cinéma qui vous attend. Rizovage, documentaire canadien d'Alain Fox, Climax, la maraîchère, scénario de Marie Cuisset, un film de Clémence Gandillot de France, et du Bénin, le mangrove, quelle richesse pour le lac à aimer. Alors ce soir, à partir de 19h30, une belle soirée cinéma, dont je serai l'animateur, donc une première canadienne et serviteur du sol de Léo Lebovici. Alors une réalisation française de 39 minutes et le point culminant, Pesticide, le poison de la terre, un documentaire français de 52 minutes de Aude Rouault. Donc une belle soirée agriculture au Festival de films pour l'environnement. Donc vous pouvez commencer déjà à préparer votre voyage. Et d'ailleurs, si vous avez de la place dans votre voiture, je serais prenable parce que j'ai fait un accident en venant de Grondines ce matin. Ma voiture a été remorquée d'un garage ici, tout près de la station, donc j'ai pu me rendre en temps. Je remercie le remorqueur et donc le Club Automobile de m'avoir ramené en temps pour animer cette émission que je souhaitais depuis plusieurs semaines déjà, et depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis plusieurs années, je souhaite avoir à notre émission Grain de sable et à mes émissions de CKRL que j'anime, M. Habib Hamza Erdem, que je connais depuis 1984, alors que moi-même, jeune stagiaire de l'AISEC, s'était rendu en Turquie, à Bursa plus précisément, travailler dans une usine de textile. Habib Hamza Erdem, êtes-vous avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, Habib. Merci d'être avec nous. Je sais que tu es un de ces grands spécialistes commentateurs dans les médias turcs et français de la situation en Turquie. Alors, j'aimerais vraiment qu'on prenne les prochaines minutes, au moins la prochaine demi-heure, pour nous parler de la situation en Turquie. Je sais qu'on était ensemble, d'ailleurs, à Paris, dimanche dernier, pour suivre en direct les résultats de ce référendum. Alors, je sais que les résultats sont déjà contestés par l'opposition. On en reparlera un peu plus tard, si tu veux. Mais juste pour nous mettre dans le bain de ce référendum qui portait sur les changements constitutionnels proposés par le Parti de la Justice et du Développement, communément appelé l'AKP, visant essentiellement à renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan et à réduire la capacité du contrôle du Parlement et des juges. Concrètement, il y a 18 articles qui porte entre autres sur l'abolition du poste de premier ministre, donc qui existe encore à l'heure actuelle parce qu'il y a une sorte de période de transition, mais le président élimine le poste de premier ministre qu'il a déjà occupé de toute façon. Il a aussi été maire d'Istanbul, donc ça fait 14 ans que M. Erdogan règne sur la Turquie. Ce référendum qui a été voté non à quelques 51,4. Oui, c'est important. Hein? Donc, quand on arrondit, ça fait 51. Donc, 51,42. Nous, on connaît ça, les référendums très, très, très serrés, comme au Québec. Il y a eu en 1995. D'ailleurs, coïncidence, j'étais avec toi, Habib, à la délégation générale du Québec le 30 octobre 1995. Et je me souviens que tu avais suivi avec attention les résultats de ce référendum. Donc, ça avait fini à peu près pareil. Donc, ce référendum, à partir de maintenant, donc il y a un processus de transition où le président va pouvoir abolir donc le poste de premier ministre, l'augmentation du nombre de députés, le droit du président de gouverner par décret et de déclarer l'état d'urgence ou de dissoudre le Parlement, d'être le chef d'un parti politique, ce qu'on ne peut pas. Par exemple, aujourd'hui, c'est les élections présidentielles, on en parlera en deuxième demi-heure, mais le président de la République, lorsqu'il est élu, ne peut pas être chef d'un parti politique. Ça fait partie de la République, de la 5e République française. Mais lui, Erdogan, pourra continuer à être chef de son parti politique tout en étant président, alors que c'était plutôt impartial à l'époque. Il pourra continuer de nommer unilatéralement les ministres, les juges et les hauts magistrats et les généraux de l'armée, me semble-t-il, alors que traditionnellement, l'armée gardait jalousement l'application de la Constitution kémaliste. Donc, qui d'autre mieux que Habib Hamza Erdem du mouvement kémaliste pour nous répondre l'impact que ça a sur la Turquie à partir de quand cela sera mis en vigueur, Habib Hamza Erdem? Oui, d'abord, si vous voulez, si tu veux, je vais corriger deux constats que tu as fait. Tu m'as présenté comme mon titre, il faut que je corrige. Oui. C'est le président de l'association des idées kémalistes en France. Donc, en France, nous soutenons les idées kémalistes en France. C'est la première chose. Et deuxième, on dit que le référendum, c'est-à-dire que le référendum a été remporté par le oui. Non, on a dit actuellement le référendum, ce n'est pas encore, on n'a pas encore obtenu le résultat des fins précis, parce que la validité de scrutin, déjà on va voir auprès du tribunal en Turquie, soit Conseil d'État, soit Conseil constitutionnel, mais on n'a pas, bien sûr, peut-être ils vont gagner aussi. On peut pas prendre un résultat favorable pour non, mais on compte sur le cours de droits de l'homme en Europe. Donc le parti opposition va faire un recours auprès de droits de l'homme en Europe. On va voir. Et ça va durer un certain temps. Même si les tribunaux, tout ça, ils décident autrement, il est vrai que les non ont remporté. Parce que il y a avec les votes frauduleux, ils ont gagné 1% et demi en plus. Mais il y a 1,3 million de votes. C'est déjà, c'était pas estampillé. Et donc, on peut pas compter. Mais, malgré tout, parce que si on a, devant nous, il y a un homme, comme tu as dit, Recep Tayyip Erdogan, il connaît ni loi, ni les valeurs de démocratie. Il est un homme à part, à sa guise. Et donc, on va combattre avec ce mec-là. Il veut, déjà, la proposition qui a voté, qui a devant, comment le sujet de référendum, c'était déjà anticonstitutionnel. Donc c'était pas normal qu'un sujet sera un sujet de référendum. Mais là, en Turquie, les choses développent contre la raison, contre les valeurs démocratiques, contre le monde entier, tu vois. Et donc, c'est pas facile à évoluer pour les auditeurs québécois ou canadiens ou européens, tu vois. Donc d'abord, si je comprends bien, Habib Hamza Erdem, vous nous dites le référendum lui-même n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'il était anticonstitutionnel à cause du sujet, voilà, et sur le contenu qu'il portait, le changement de la Constitution. Habituellement, c'est l'armée turque qui protège la Constitution, mais l'armée n'a pas pu agir à ce moment-là? Oui, mais l'armée, déjà, ça fait 15 ans qu'il est en règne, et donc il a détruit l'État actuel. Donc, comme un kémaliste, je veux dire que la République de la Turquie, l'État République de la Turquie, a été détruit par lui-même. En 15 ans, oui. Il n'y a pas de l'armée, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de constitution. On a dit, l'ancien président de la Cour de cassation, Sami Selçuk, il disait que il y a un État constitutionnel, mais il y a un État et une constitution. Et donc, le Recep Tayyip Erdoğan a un État, donc ils ont dit quand même, le vice-président, le conseiller, autre conseiller de Recep Tayyip Erdoğan, ils ont dit qu'on va créer un nouvel État. Donc, en Turquie, maintenant, il est en train de créer un autre État. Mais ce n'est pas l'État républicain turc qu'on a créé. Et demain, c'est la fête de la création de l'Assemblée générale de Mustafa Kemal en 1920. C'est l'anniversaire et une fête nationale. Et aujourd'hui, on vit une atmosphère que l'État turc a été détruit et maintenant Recep Tayyip Erdoğan a créé un État à sa guise. Et peut-être il y aura une constitution à part, mais ça ne sert à rien. La situation actuelle, c'est ça. Mais donc, on ne peut plus appeler ça une république turque, mais est-ce que c'est une république islamique? Comment devrait-on interpeller cet État de non-droit? Oui, mais pour l'instant, parce qu'avec l'aide des Européens et les États-Unis d'Amérique, il a gagné la première élection en 2002. Ils ont dit que c'est un islam modéré. Mais lui, il est malin. Et petit à petit, on arrive. On vient d'un islam modéré et peut-être demain un islam fondamentaliste. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas le sujet à discuter. On va voir l'islam à part. Mais maintenant, je parle parce que je travaille au-dessus des théories d'État et donc je vois personnellement, et j'écris toujours, l'État turc a changé, a transformé et donc ça ne sera pas un État républicain. Et j'ai dit, c'est la première fois que je vais dire, j'ai dit c'est l'État turc deviendra peut-être comme l'État islamique de Irak, comme Daesh, tout va. Mm-hmm. Comme l'État, comment ils ont créé un État dans les déserts de Syrie ou Irak. Maintenant, lui, il a un plein cœur de l'Anatolie. Il essaie de créer un État comme ça. Mais c'est pas, peut-être idéologiquement, c'est pas le même. Mais la création contenu de l'État, ça devient comme ça. Oui. D'ailleurs, Étienne Blondeau, chroniqueur à l'émission Grain de sable, la semaine dernière, quand on abordait le sujet de la Turquie, en ton absence d'ailleurs, on apprécie vraiment ta présence aujourd'hui, semblait dire, Étienne, qu'il y avait deux Turquies. Hein? Il y avait la Turquie du plateau anatolien, la Turquie des villes, et on l'a bien vu dans le résultat qu'on a vécu ensemble, c'est que dans les grandes villes, Istanbul, Ankara, Izmir, on a voté quasiment 60% contre la réforme constitutionnelle, alors que que c'était le contraire dans la campagne. Alors, quelle sorte de Turquie on a droit aujourd'hui? Oui, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce que les kémalistes, c'est pas kémalistes seulement, mais les démocrates, disons, actuellement en Turquie, sont majoritaires. C'est plus de 60% de population. Même si le résultat montre que c'est 50%, mais au moins, avec comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec les votes frauduleux, ils ont dit que c'est 49. Mais on sait bien que la population, majorité de la Turquie, il est contre ce changement. Non, ils sont pas contre peut-être Tayyip Erdoğan, mais son gouvernement. Mais pour changement de l'État, ils sont contre. Donc le référendum a montré. Allô? Oui. Le premier résultat de ce référendum, on voit que la Turquie, il y a encore une population conscient de son État, sauve les valeurs républicaines, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur de... On a peur de rien. D'accord. On a pas peur de lui-même aussi. Oh ben c'est assez confrontant ce que vous dites, Habib Hamza Erdem. Mais ce que veut vraiment le président, c'est de constitutionnaliser la pratique politique qu'il a mise en œuvre depuis 14 ans, qui est en fait à la fois liberticide et qui remet en cause de façon graduelle et inquiétante l'état de droit lui-même. La communauté internationale ne vient-elle pas d'assister à la naissance d'une dictature sultanique? Puis à partir de quand le sultan va pouvoir faire ce qu'il veut faire, même si vous avez soulevé la possibilité de contester à cause du vote frauduleux qu'il a gagné? Mais lui, qui peut l'arrêter? Il est comme une rivière qui coule, il s'en va vers ce qu'il veut vraiment. Et dans combien de temps il pourrait vraiment éliminer le poste de Premier ministre, c'est tout ce qu'il a souhaité dans son changement constitutionnel, s'il continue. Oui, c'est parce qu'on a voté pour 18 articles de la Constitution, et pour le changement, pour compléter son œuvre, à sa guise, on a encore 2 ans. Deux ans, et pendant ces 2 ans, on va changer peut-être 7000 lois. Hein? Ouais. C'est beaucoup, ça. 7000 lois changées. Il faut changer pour qu'il arrive à son état. Donc, ça sera en 2019, jusqu'à l'élection dans 2019. Donc, de 2 années à l'avenir, la Turquie, ça ne sera pas un pays calme. Donc, il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements, ça se déroulera. On va voir. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Tayyip Erdogan a gagné, il est devenu en dictature. On a encore le temps. Okay. Il y a au moins 2 ans là, de transition, si on peut dire, mais ça fait déjà, comme on dit, plus de 14 ans qu'il est au pouvoir et qu'il modifie. Juste pour donner une idée à nos auditeurs qui connaissent moins bien la Turquie que nous, Habib, je vais juste énumérer qu'effectivement, il y a des partisans du Parti démocratique des peuples, HDP, qui participaient à une manifestation pour le nom, le groupe des Ayer, et tu me corriges si je prononce pas bien le mot non en turc. Donc, à Ankara, le 9 avril dernier, il y avait une grande manifestation, mais depuis le putsch raté de juillet, le 15 juillet dernier, il y a eu un coup d'État raté. Et à partir de ce moment-là, je pense que M. Erdogan est devenu encore plus sévère, si on peut dire, avec sa fonction publique, entre autres. Il faut dire que, depuis quelques années, 150 000 agents de la fonction publique, là, essayez d'imaginer ça au Québec là, ou au Canada, 150 000 fonctionnaires qui perdraient leur emploi, donc ainsi que des policiers, des juges, des militaires, des enseignants ont perdu leur emploi. Et je sais que votre fils qui vit en Turquie, Habib Erkin, qui a été touché par ça, c'est un chercheur dans une université, mais puisqu'il est associé aux gens qui sont plutôt contre Erdogan, ben il a perdu, ou son contrat n'a pas été renouvelé comme professeur chargé de cours à l'université. Donc, il y a beaucoup d'impact. Il y a plus de 150 journalistes qui sont en détention. Moi, là, je suis certain que dans ce genre de régime, une grande gueule comme moi d'une émission comme Grain de sable, supportée par Attaque Québec, je serais probablement en prison si j'étais un Turc. Alors, ça me touche beaucoup, cet aspect-là. Reporters sans frontières surveille ce qui se passe en Turquie. C'est complètement désolant ce qu'on voit dans les rapports annuels. Il y a des dizaines de médias qui ont été fermés. Je sais que vous êtes commentateur, Habib, dans plusieurs médias. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fermés à cause de vous, mais en tout cas, je sais, pour vous avoir vu à l'œuvre, que vous êtes souvent invité à commenter de la situation comme spécialiste, comme docteur en philosophie de l'économie politique. Donc, plusieurs députés du parti de l'opposition, le HDP, dont ces 2 coprésidents sont en prison. C'est beaucoup de monde, 265 morts depuis, 40 000 arrestations, 12 500 soldats policiers mis à pied, 3 500 juges et procureurs limogés, 170 organes de presse fermés, 150 journalistes détenus. Que faire? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Non, déjà, ça aussi, c'est une décision, c'est un constat discutable, parce que c'est pas seulement les partisans du HDP, c'est la majorité de ces détenus sont les fondamentalistes gulenistes. Donc, ils ont collaboré avec Tayyip Erdogan jusqu'à maintenant et ils ont aidé avec leurs juges pour détruire l'armée turque aussi. Tu vois, ça fait depuis 2008, on a beaucoup de procès pour les généraux, tout ça, avec le procès de Ergenekon. Peut-être tu as entendu ce mot-là. C'est ce procès d'Ergenekon. Il était projet de Fethullah Gülen, qui est actuellement en Amérique. Et il est sûr qu'il est agent de CIA. Et donc, lui, il collaborait avec Tayyip Erdogan de longues années. Mais actuellement, ils ont séparé et le coup d'État a été organisé par le Fethullah Gülen contre Erdogan. Et donc Erdogan, maintenant, c'est avec vengeance, les sentiments de vengeance, il a prisonnier, il a fait des prisons pour les partisans de Fethullah Gülen. Entre autres, il y avait des HDP. Les HDP, c'est autre chose. HDP, si un parti politique qui participe la vie politique en Turquie, c'est autre chose. Mais en même temps, Tayyip Erdogan, il est contre le PKK. C'est PKK et HDP, c'est pas les mêmes choses. Au milieu de HDP, il y a des gauchistes, il y a des démocrates, il y a les Turcs aussi. Mais le PKK, c'est autre chose. Le PKK est plutôt associé à certains terroristes aussi et aux grands leaders dont j'ai oublié le nom. Oui, voilà. Tayyip Erdogan, actuellement, est en guerre. Peut-être elle combat pour le PKK. Mais s'il y a des partisans de HDP, s'il y a des relations entre PKK, donc c'est eux aussi. Ils sont en prison actuellement. Mais quand même, on a, après le coup d'État, on est dans une situation état de siège. Donc on ne peut pas contester toutes les décisions, toutes les règles, tu vois. Et Tayyip Erdogan, malinement, il utilise le coup l'état de siège pour renforcer son pouvoir. Mais, comme j'ai dit, dans deux ans, les deux ans qui vont venir, on va voir s'il y a des vraiment le procès injuste, ça va éclairer, je crois. Ouais. Mustafa Kemal Atatürk, vous êtes président donc de l'association des Kémalistes à Paris. En France. En France, ben oui, en ouais. France. mais donc, ça va pas bien du tout, si on comprend bien, mais on est loin de la pensée de Mustafa Kemal Atatürk, hein, qui voulait construire une république, qui a donné le droit de vote aux femmes bien avant le Québec et le Canada, qui a changé l'écriture turque, qui a voulu européaniser la Turquie. Et depuis ce temps-là, il y avait une sorte de rêve latent des Turcs d'adhérer à l'Europe, mais je pense qu'on peut mettre une croix là-dessus. Mais qu'aurait fait un leader du kémalisme? Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire, Mustafa Kemal Atatürk, à nous tous à travers la planète, quand même, un de ses premiers grands humanistes, même s'il était un militaire, il avait quand même fait la guerre pour faire la paix, quoi. Non, Mustafa Kemal, si les gens ne connaissent pas Mustafa Kemal, c'est déjà, je vais dire, un manque de savoir. Mustafa Kemal, c'était après la Première Guerre mondiale. Il a créé la première république dans un pays musulman. Et donc, après l'effondrement de l'Empire ottoman, il a créé la République de la Turquie, ressemblant à la République de la France. En plus, il a inspiré les révolutionnaires français de 1789. C'était un premier modèle dans l'Est, à part de l'Europe, dans l'Est, un pays républicain. Et même aujourd'hui, les idées de Kemal, Mustafa Kemal, à mon avis, c'est pas dépassé. Donc on va développer même. Mais actuellement, en Turquie, on a tombé derrière les pensées de Mustafa Kemal. C'est pour ça qu'on a créé une association pour évoluer, pour développer, pour connaître. Parce que les Européens aussi, ils ont oublié Mustafa Kemal. Et donc, nous sommes en Europe pour présenter notre pays, les Turcs et l'État turc et la République de la Turquie correctement. Et donc aujourd'hui, comme vous voyez, comment j'ai critiqué, comment je suis contre le changement de l'État actuel. Oui, donc, monsieur Mustafa Kemal Atatürk, j'ai l'impression de parler à Mustafa Kemal, ne serait pas tellement content de ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Ça ferait longtemps que l'armée serait intervenue pour tasser, Erdogan et puis s'assurer que l'armée fasse la transition en attendant qu'il y ait des élections démocratiques. Oui, mais l'armée, on peut pas. Oui, l'armée c'est une force, mais comme on voit que mais ça fait quelques années, même depuis si on compte de 2008, ça fait à peu près 10 ans que petit à petit il a effondré, il a changé le contenu de l'armée aussi. Et l'armée turque, l'armée de légionnaires, l'armée du peuple, on peut dire. Armée nation. Jean Jaurès parlait de nation armée, comme l'armée turque, on peut dire que c'était une armée comme ça, mais, comme la représentante, représentation de l'opposition, si aujourd'hui on a dit c'est 60%, et donc dans l'armée aussi, il y a 60% des kémalistes et 40% des taïbistes, gulenistes ou bien d'autres. Tu vois, ça, la nation et l'armée, c'est à peu près... Habib Hamza Merdem, j'aimerais que vous restiez avec nous après la pause pour parler des élections françaises. Êtes-vous encore disponible? Oui, c'est possible, mais on va voir. Oui, restez avec nous. On parle de l'élection présidentielle qui se fait en fait pour les Français résidant en Amérique, c'est aujourd'hui qu'ils doivent aller voter pour l'élection présidentielle, alors que dans le reste du monde, ça sera demain. Les Français à l'étranger, en dehors de la France, sauf en Amérique, votent demain. Mais nous, nos amis Français qui nous écoutent, je sais que quelques-uns nous écoutent, doivent aller voter. Donc, je veux avoir votre opinion dans quelques minutes, Hamza Erdem. Sais que vous avez été impliqué un petit peu dans le Parti communiste, je crois, et que vous m'avez parlé en bien de Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour ceux qui s'intéressent à avoir le son de cloche d'un Parisien, restez avec nous. D'accord, OK. CKRL 89.1. Le 28 avril, les centres de femmes de la capitale nationale, membres de l'ère des centres de femmes du Québec, s'unissent pour dénoncer les impacts des politiques d'austérité sur les femmes et pour réclamer un investissement majeur dans les services publics. Le 28 avril, les centres de femmes de la Capitale-Nationale, membres de l'ère des centres de femmes du Québec, s'unissent pour dénoncer les impacts des politiques d'austérité sur les femmes et pour réclamer un investissement majeur dans les services publics. Pour information, s'adresser au Centre ressources pour femmes de Beauport, au 418-661-3535. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La Boussole, l'Ampli de Québec, diffusion culturelle de Lévis-Langlicane, Centre d'art La Chapelle, Carrefour d'éducation à la solidarité internationale Québec. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Quelques heures de temps libre par semaine, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Le Centre de parrainage civique de Québec recherche des bénévoles désirant s'investir dans une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant une incapacité. En devenant parrain ou marraine civique, vous faites des activités avec cette personne et vous l'aidez à briser son isolement. Pour une expérience humaine enrichissante, 527-8097 ou cpcq.ca. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Oui, toujours ici, Jean Cloutier à l'animation de Grains de Sable en direct de Québec, et non pas à Paris, mais au téléphone, il y a mon ami Habib Hamza Erdem, président de l'association Kémaliste en France, qui va commenter, si vous êtes d'accord, les élections présidentielles pour élire le président de la République. En tout cas, pour les Français, jusqu'à 20h ce soir, vous devez vous rendre au Collège Stanislas à Québec. 1605 chemin Sainte-Foy à Québec, donc l'ancien collège Notre-Dame de Bellevue, ceux qui connaissent, là, pour aller voter. N'oubliez pas votre carte nationale d'identité française, votre passeport français ou tout autre document officiel qui peut vous représenter. Donc on a le choix entre 11 candidats. Je les énumérerai pas tous parce que ceux qui intéressent l'émission chez nous, ce sont plutôt ceux du côté gauche. Donc Benoît Hamon, porte-parole officielle du Parti socialiste, qui a gagné une primaire, devrait être le candidat de gauche, mais il y en a plusieurs autres qui ont pointé leur offre de candidature. Autre, Benoît Hamon, le candidat officiel du Parti socialiste, qui a fait une entente, une alliance avec Europe Écologie Les Verts, autrement dit les Verts français ont fait une alliance avec le Parti socialiste, mais ce qui est différent, c'est que c'est la première fois depuis 1974, depuis qu'ils présentent un candidat, leur premier étant M. Dumont, René Dumont, en 1974. Ils ont toujours eu un candidat au premier tour. Et là, exceptionnellement, Yannick Jadot, celui qui avait gagné la primaire des Verts contre Cécile Duflot et d'autres candidats moins connus, a décidé de ne pas se présenter et de faire une alliance avec le Parti socialiste, qui était aux environs de 20% à ce moment-là, alors que là, il est descendu aux environs de 10%. Mais les quatre autres candidats, donc Jean-Luc Mélenchon, est aux alentours de 20%. Emmanuel Macron, candidat, ancien ministre socialiste sous Hollande et Manuel Valls, a décidé de se présenter, pas à la primaire du Parti socialiste, mais à se présenter avec son nouveau parti. Alors, lui aussi est aux environs de 20% dans les sondages, qui sont interdits. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on est un média québécois, on peut parler de sondages, mais en France, si on faisait une émission en France, on pourrait pas parler de sondages, parce qu'ils ont des lois qui interdisent de parler de sondages quelques heures avant le vote. Donc, nous, on prend cette transgression pour dire qu'il y a aussi François Fillon, qui, lui, le parti de la droite, hein, le fameux parti du général de Gaulle, si on peut dire, celui de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, donc Jacques Chirac a été président de la République, ainsi que Nicolas Sarkozy. Alors, eux, leur candidat de droite, c'est M. François Fillon, mais qui normalement devrait être certain d'être au deuxième tour, mais il y a eu un scandale relié à des salaires donnés à sa femme et à ses enfants, fait en sorte qu'il a beaucoup baissé en popularité. Et lui aussi se retrouve aux environs de 20%. Et Mme Le Pen, Marine Le Pen, qu'on connaît tous ici, qu'on a tous entendu parler, porte-parole et candidate du Front National, ce qu'on pourrait dire de l'extrême droite, qui veut travailler pour la souveraineté de la France, donc sortir de l'Europe, sortir de l'euro, puis avoir leur propre armée, puis toutes sortes d'affaires. Alors, Marine Le Pen aussi est aux environs de 20 %. Alors, je sais que ça fluctue de plus ou moins un. Tout le monde se pose la question. C'est la première fois qu'on se la pose aussi tardivement dans l'élection présidentielle. À une journée du premier vote de deux tours, on ne sait toujours pas qui sera au deuxième tour. Les sondages ne peuvent pas véracifier deux candidats. Donc, moi, si j'avais à choisir, c'est sûr que j'aimerais que Jean-Luc Mélenchon se retrouve au deuxième tour, Benoît Hamon, qui sont ce qu'on pourrait dire des candidats de gauche connus, d'autres plus petits candidats, mais qui n'ont aucune chance parce que leurs sondages sont entre 1 et 5 on doit vraiment parler de la possibilité. Donc, pour vous, Habib Hamzardan, comme Parisien, qui pensez-vous qui va faire le deuxième tour? Oui, mais si tu veux, avant de donner des pronostics, je vais critiquer la situation actuelle en France aussi, parce que il y a une classe politique qui est, on peut pas facile à séparer, qui est socialiste, qui est communiste, qui est vert, qui est démocrate, qui est gaulliste, et Front National d'autre part, peut-être avec ses souverainismes, peut-être c'est plus proche de Charles de Gaulle, tu vois. Mais par exemple, moi, en tant que membre du Parti communiste, je suis inscrit à un atelier à 6e République en France. 6e sur le atelier de 6e République. Donc, on va réfléchir pour l'avenir. À 6e, 5e République, c'est déjà dégénéré, je vais dire. Mais Jean-Luc Mélenchon promet justement, hein? Jean-Luc Mélenchon promet qu'il sera le dernier président de la 5e République. Oui, mais pour l'instant, donc je veux bien que Mélenchon reste à deuxième de tour. Et peut-être, et on va voir l'élection française aussi. Il y aura beaucoup de surprises, j'espère. Les enquêteurs, peut-être, ils vont comme on a vu en Amérique, comme l'élection de Trump, peut-être en France aussi, il y aura des surprises, j'espère. Je crois. On va voir demain soir, si tu veux, si tu as le programme, on va évoluer ensemble. Oui, oui, c'est sûr qu'on va surveiller ça ici, peu importe l'heure de la nuit ou du jour. Mais oui, c'est bien beau. Jean-Luc Mélenchon, qui sera le dernier président de la République, aussitôt élu, il convoquera une assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution, ce qui est intéressant. Il peut toujours s'inspirer de ce que Erdogan a fait. Non, c'est une mauvaise blague. Il dit qu'il propose, j'ai le dépliant que, vous savez, tous les électeurs français ont reçu un dépliant de 4 pages, couleur, bien fait, des 11 candidats. Ils ont ça dans une enveloppe avec, en tout cas, les candidats, les résidents français à l'étranger ont reçu ça avec leur bulletin de vote de chacun des 11 candidats et qu'ils doivent déposer dans la bonne enveloppe, dans la bonne urne aujourd'hui ici en Amérique. Et donc, je trouve ça intéressant. On n'a pas ça ici. Imaginez-vous qu'on recevrait de tous les candidats, de tous les partis politiques par la poste, dans la même enveloppe, sur le même format. Et même chose, quand on se promène en France, j'y étais la semaine dernière, on voit 11 panneaux tout près des mairies, partout, dans des lieux stratégiques choisis par les mairies, l'affiche des 11 candidats. Et ouais. Chacun des médias sont surveillés par une commission électorale, qu'on dirait ici, pour que chacun ait autant d'espace dans les médias écrits et audiovisuels, ce qu'on n'a pas ici. Donc ça, on a beaucoup à apprendre de la démocratie de la République française. J'espère que ça va rester dans la 6e République de Mélenchon. Il propose le droit de révoquer un élu en cours de mandat, Jean-Luc Mélenchon. Il propose un changement d'ère démocratique avec de nouveaux droits civiques, dont le droit de vote à 16 ans. Il veut partager la richesse, donc un président social. Il veut vraiment que la France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Il dit que nous sommes le pays record d'Europe du nombre de millionnaires et du versement de dividendes aux actionnaires, mais la richesse est trop mal partagée. Le peuple doit reprendre sa part de la finance. Il veut engager une révolution fiscale pour baisser les impôts pour toute personne gagnant moins de 4 000 € net par mois et pour restaurer la justice fiscale. Il veut organiser un partage du temps de travail. une sixième semaine de congés payés et l'augmentation de la majoration des heures de supplémentaires au-delà de 35 heures. Il veut augmenter le SMIC, ce qu'on pourrait appeler le salaire minimum ici, de 175 € net. Alors, il veut en faire beaucoup de choses. Il veut abroger la loi El-Khomri, ça c'est peut-être un peu compliqué pour nous, mais qui précarise les salariés et facilite les licenciements. Ça, pourtant, c'est le Parti socialiste qui a voté là-dessus. Et il veut rétablir le droit à la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est pour ces raisons-là, Habib Anzaïdam, que vous supportez peut-être la candidature de Jean-Luc Mélenchon ou pour d'autres raisons? On est dans un plein crise mondiale et la France aussi a touché, comme toute l'Europe. Et le principal le souci, c'est le chômage et le partage des richesses et la création de l'emploi. Et donc, si n'importe quel candidat, s'il peut faire ça, je veux qu'il gagne. Mais à mon avis, Mélenchon, c'est plus proche de mes convictions. Et qui serait l'autre, normalement, selon les tendances actuelles? C'est clair que c'est le deuxième, c'est Front National. Ah oui? Déjà. Oui. Donc, avec Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Et c'est un beau lapsus révélateur. Jean-Marine Le Pen. Ah ben, elle a plus de chances de gagner, c'est une femme, je pense, mais en tout cas. Donc, les gens vont avoir le choix entre l'extrême gauche et l'extrême droite, et sous bizarre, ça peut se paraître. Quand elle est venue. C'est un combat extrême gauche et extrême droite. Et les écologistes, c'est à part, mais on a un plein combat entre gauche et droite comme ça. Mais l'extrême gauche et l'extrême droite se rejoignent souvent. Lorsque Marine Le Pen est venue à Québec, j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, de la rencontrer, de la questionner en conférence de presse sur ce fait que ses idées d'être contre le libre-échange, d'être contre l'Europe, rejoignent souvent les idées de la gauche, de l'extrême gauche. Voilà. Et pensez-vous? Excuse-moi, si on pense un cercle comme ça, 366 degrés. Tu vois, ça on tourne en rond. Extrême gauche, et ça arrive à extrême droite, tu vois. Ben oui, c'est ils se touchent. Et le centre touche au centre, dirait l'autre. Et mais ça n'empêche pas de tourner en rond, justement, dans ce genre de revendication. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui est même populaire auprès des jeunes. Il y a une jeune de 11 ans chez qui je suis allé manger, la fille de mon grand ami Villeneuve, que tu connais d'ailleurs, je pense que vous êtes déjà rencontré à Paris. Elle m'a dit, Jean, j'ai quelque chose à te faire écouter. Puis elle me faisait écouter des vidéos sur YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, à 11 ans, on ne comprend pas toute la dimension politique. Mais elle trouvait ça comique qu'on fasse des raps sur des discours. Parce qu'il faut comprendre que Jean-Luc Mélenchon, si la tendance se maintient et qu'il fait le deuxième tour, c'est parce que c'est un grand tribun. Il fait des discours vraiment à l'emporte-pièce. Il y a peu de politiciens qui ont ces qualité de tribun aussi forte et aussi influente et influençable, même chez les jeunes de 11 ans, on reconnaît son talent d'orateur, on en fait des raps qui sont disponibles, je vous invite à faire Google là-dessus. C'est vraiment impressionnant la pensée politique qui réussit à toucher les jeunes de 11 ans, mais il est, Mélenchon, donc, non seulement pour l'indépendance de la France et de la paix, mais il est pour un sortir des traités européens, pas nécessairement de l'Europe, mais de certains traités européens, comme beaucoup d'autres, mais un qui est vraiment de la gauche, qui est contre le fait qu'on sorte de l'Europe, ben c'est celui qui a fait une alliance avec Europe Écologie Les Verts, justement Benoît Hamon, qui parle même d'un revenu minimum garanti universel. Je sais pas si c'est ça qui l'a fait baisser des sondages à 10%, mais vraiment, le Parti socialiste est en train de s'effondrer. Est-ce qu'on pourrait assister à la fin du Parti socialiste, donc à la pensée de Jean Jaurès auquel vous faisiez référence? J'ai pas compris la dernière phrase. Mais est-ce que le Parti socialiste pourrait mourir de sa belle mort au lendemain du deuxième tour? C'est sûr qu'il y a des élections législatives qui s'en viennent dans quelques semaines où le Parti socialiste souhaite reprendre un peu sa place au pouvoir, mais on est en train d'assister dans cette élection présidentielle un peu à la mort annoncée du Parti socialiste, où deux anciens ministres du quinquennat actuel de Hollande s'affrontent, et Hollande et Valls, le premier ministre, l'ancien premier ministre et le président sortant actuel, supportent un candidat qui est plutôt au centre et qui se gargarise avec des idées de droite. On est en train d'assister à la mort du Parti socialiste, non? Oui, mais écoute, à tout à l'heure, j'ai dit, c'est une classe politique actuelle et que on peut pas bien évoluer, mais à mon avis, le socialisme français, c'est après la mort de Jean Jaurès, est mort, et j'apprécie beaucoup Jean Jaurès et ses idées, mais là, le Parti socialiste, rien à voir avec l'idée de l'horizon, les idées philosophiques et politiques de Jean Jaurès. On est loin de là. J'espère que l'élection va passer, c'est autre chose. Mais j'espère que dans les années à venir, ça sera un monde équitable pour tout le monde, en français, même les Européens, et même en dehors de l'Europe, et sans guerre, un monde digne de l'humanité, j'espère. Ben, merci beaucoup, Habib Hamza Erdem. Ami et surtout porte-parole des Kémalistes en France. Un dernier mot pour saluer nos amis québécois. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Turquie que j'ai tant aimée, mais que j'ai même plus le goût d'y retourner, là? Mais pour la Turquie, n'inquiétez pas, on va gagner. Ça va passer. C'est un cauchemar qu'on vient de vivre en Turquie. Mais je déclare que n'inquiétez pas, on est là et on va sauver les valeurs démocratiques et humanitaires. Merci de parler au nom de Kemal Atatürk, de Mustafa Kemal Atatürk, le père de la République. Merci à toi, mais je salue tous les Québécois et les Canadiens. Merci, Habib. À plus. Salut. On aura que résolu. Ne dites plus que Paris est triste quand il pleut. Dites plutôt qu'il pleut, parce que Paris est triste. Au sortir de la gare, ce n'est pas une fleuriste qui m'a dit l'air hagard et du sang dans les yeux. Et du sang dans les yeux. T'as pas un franc ou deux. Je n'ai pas ri, Paris, y a pas de quoi rire, à devoir souffrir, mais Paris, qui t'a fait ça, veux-tu me le dire? Qu'est devenue ta vie? Paris, ville lumière, des jours noirs de poussière, de fausses clartés la nuit. Au téton des bistrots, tu t'abreuves d'oubli, et les bouches du métro t'aspirent sous la terre, t'aspirent sous la terre, mieux que tes cimetières. N'est pas ri, Paris, y'a pas de quoi rire, à devoir mourir, mais Paris, qui t'a fait ça, veux-tu me le dire? sur les ondes qui bruinent, j'ai recherché naïf le bon indicatif du poétique spleen. Mais de votre Baudelaire m'a dit une speakerine, y a plus que chez les libraires qu'on trouve les hiéroglyphes. Qu'on trouve les hiéroglyphes, sa voix encore me griffe. Je n'ai pas ri, Paris, y a pas quoi rire, à te voir pourrir, mais Paris, Paris, qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Qui t'a fait ça? Veux-tu me le dire? Je n'ai pas ri, Paris de Bernard Simon. Et ça me rappelle des souvenirs. C'est tellement plaisant d'être à Paris des fois, assis au café de Dumago, à la table de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, à boire un petit café expresso en lisant le journal Le Monde. Quoique Le Monde est beaucoup moins intéressant que Libé, ce que je lis maintenant quand je vais dans ce coin-là. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous au 14e Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir. Je vous donne tellement rendez-vous que s'il y en a qui veulent m'aider à y aller, eh bien, rappelez-moi sur mon téléphone 418-956-7380, 956-7380, après l'émission dans quelques minutes. Eh bien, moi, j'anime une émission ce soir, une diffusion de films ce soir sur ce qu'on appelle le bloc agriculture, plein de films intéressants dont j'ai fait mention en début d'émission. Et, ben écoute, j'ai fait une demande à Amigo Express. J'ai fait une demande à Allo Stop, si ça existe encore, non? En tout cas, si jamais vous voulez monter, ça, vous avez une place pour moi puis ma blonde, ça me fera plaisir de vous offrir les billets gratuits pour entrer au Festival de cinéma ce soir à Saint-Casimir. Donc, ça commence à 19h30. N'importe quelle offre avant 6h va être acceptée. 418-956-7380. Puis on pourra voir ensemble quelques films. Puis même, si vous voulez rester à l'auberge, c'est pas cher, parce que le lendemain, il y a une belle, belle activité. Une projection débat en présence de Sandrine Sidou, présidente de Terra Nostra, un organisme qui fait la promotion des toilettes sèches. Elle est accompagnée de sa patronne, Lucie Bernat-Chemengui, présidente et cofondatrice d'Alixir Huile Essentielle. Elle a développé, c'est une architecte, hein, Lucie, elle a développé une toilette sèche à compost que vous pourrez même essayer. Donc, je vous invite à venir essayer une toilette sèche quand même. C'est pas des offres qu'on a souvent, ça. Une façon polie de vous envoyer. Alors, merci de venir au Festival de films pour l'environnement aujourd'hui ou demain. On se rencontre là. Toute la semaine, il y a des activités à Saint-Casimir. Vous pouvez monter, rester sur place. Donc, merci. Restez avec nous. Hein. La gang des Kicks contre-attaque sont là, là. Ils sont prêts à rentrer dans le studio puis à vous faire rire, à vous informer de la manière dont ils sont les seuls à le faire. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le 1er mai, la Coalition pour la justice sociale de Québec vous invite à participer à une marche afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et travailleuses. Pourquoi le 1er mai? Cette journée sert à commémorer les gains obtenus par le mouvement ouvrier. Pourquoi un salaire minimum à 15 $ de l'heure? Parce que le salaire minimum actuel ne permet pas de couvrir ses besoins fondamentaux. Parce que 58% des personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. Parce que le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses du Québec s'est détérioré depuis 1970. Le 1er mai, soyons solidaires. Rendez-vous à compter de 17h30 à la place de l'Université du Québec, boulevard Charest-Est à Québec. Départ de la marche à 18h30. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires.